Promets-moi, y'aura pas tracas. Si on sort ce soir que je t'amène avec moi, on te le voit. Tu sais comment sont les meufs, elles sont pires que les keufs. Dans ce genre de teuf, tu le crois au taf, pire que les tas. Ça fiche en leur sympa pote pour affoler les refs. C'est comme un sang toutes les teufs. Jupe courte, bombe à bomber. Ça va chauffer, laisse les pas. C'est pire que l'élection de Miss à la télé. Ou un défilé de chicaté. Toutes formatées, habillées, maquillées comme des tasses. Si tu veux accoster sur ta carte, il faut payer. Quand on leur parler des codes passe, si t'as pas de l'OV. Alors les palper, tout le monde a le droit de rêver. Mais comment résister face à des filles à moitié nues? C'est comme dire à un enfant de pas toucher le jouet tant voulu. Devant tant d'énergie, qui prétend rester insensible. Quand elle remue leur bouddhi, toute résistance est imposée. De nos jours, puis c'est comme ça. Les filles sont devenues bien plus précoces qu'autrefois. Pas plus autre que pour elles s'habillent comme des rostars. Après, elles s'étonnent de n'attirer que des scarlats. Que des scarlats. De nos jours, puis c'est comme ça. Les filles sont devenues bien plus précoces qu'autrefois. Pas plus autre que pour elles s'habillent comme des rostars. Après, elles s'étonnent de n'attirer que des scarlats. À l'interphone, Sean, oh baby lady. J'espère que t'es prête, t'emmènes faire la fête. Sois comme promis, c'est pas tête à tête. Avec nos amis, cesse de faire la tête. Je sais que t'aimes pas, c'est en mode de te voir. Y'a des meufs qui se la pètent, mais t'inquiète. C'est comme un starlet, des tasmés, des sapés, des vêtus, moitié nu qui sans cesse s'afficher ta guiche en roulant des fesses. Moi je les laisse, ça ne m'intéresse pas. C'est des bitches, moi je m'en fiche. C'est toi ma princesse, ils recherchent que des mecs riches. Font du cash, y'a pas de la touche. Même le bouffé doit payer pour les bouches à gauche. Si t'as pas la monnaie, elle te passe sous le nez. T'as pas la monnaie, c'est que t'as pas la caillasse. T'auras pas la tasse, mais pas la peine d'y penser. De nos jours, puis c'est comme ça. Les filles sont devenues bien plus précoces qu'autrefois. Pas plus autre que trois pour elles, s'habillent comme des rostars. Après, elles s'étonnent de n'attirer que des scarlats. Que des scarlats. De nos jours, puis c'est comme ça. Les filles sont devenues bien plus précoces qu'autrefois. Pas plus autre que trois pour elles, s'habillent comme des rostars. Après, elles s'étonnent de n'attirer que des scarlats. Alors bouge bébé, je te vois remuer dans tous les sens. Danse, balance, montre-nous comme tu te déranges. Elles se prennent pour Gilo, c'est chaud quand t'es très mousse de base en haut. Même Maria Carré n'est plus assez sexy pour toutes ses cours. Si tu veux tirer ton coup, t'as qu'à lui payer des coups. Si tu veux t'en taper une, faut lui décocher la lune. T'espires que Shakira quand tu les vois danser. Allumer les gars, venir se frotter à la Beyoncé. Pas dans les matchs, se fait admirer. Ils sont leur derrière pour les aguicher. Ça est simple faire, y faire. Elles ont du savoir-faire. Sors dans ta master et tu verras comment tu vas leur faire. Carte de crédit pour une big soirée avec elle. Unis en sa compagnie. C'est comme ça, les filles sont devenues bien plus précoces qu'autrefois. Pas plus autre que trois pour elles, s'habillent comme des rostars. Après, elles s'étonnent de n'attirer que des scarlats. Que des scarlats. De nos jours, puis c'est comme ça, les filles sont devenues bien plus précoces qu'autrefois. Pas plus autre que trois pour elles, s'habillent comme des rostars. Après, elles s'étonnent de n'attirer que des scarlats. Que des scarlats. De nos jours, puis c'est comme ça, les filles sont devenues bien plus précoces qu'autrefois. Pas plus autre que trois pour elles, s'habillent comme des rostars. Après, elles s'étonnent de n'attirer que des scarlats. Que des scarlats. De nos jours, puis c'est comme ça, les filles sont devenues bien plus précoce qu'autrefois. Pas plus autre que trois quand elle s'habille comme des restas. Après elle s'étonne de n'attirer que des scarlats.